Maintenant, de cette semaine à Assemblage Requis. On parle des nouveautés musicales de la semaine. Je vous présente des nouvelles crochets illégales dans la chronique Geek CNX. Et on parle aussi des sorties spectacles à aller voir. C'est à Assemblage Requis tout de suite. Il y a des jours où les oiseaux sont plus présents que d'autres. On t'en dirait des studios de CFO à Trois-Rivières. Bienvenue à Assemblage Requis. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Salut Stéphanie. Salut Mathieu. Ça va? Oui, toi? Oui, excellente semaine. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. Alors, j'ai beaucoup de stock à dire aujourd'hui. Comme quoi donc? Je vais tous vous dire ça tantôt. Faut pas que je dise ça tout de suite. Non. Ça, on n'aura rien à faire pendant 3 heures. OK, ben, donnons pas de raison aux gens de rester à l'écoute. Alors, moi non plus, je parle pas de ce que je vais faire. On va aller en musique tout de suite, si tu veux bien. Oui, on va aller entendre une chanson que j'ai redécouverte cette semaine. C'est une chanson de Winter Gloves, la pièce Let Me Drive. Et s'il y a quelqu'un qui sait où est-ce que cette chanson le joue dans une publicité quelconque? À part celle sur les ondes de C'est fou, évidemment. Oui, veuillez me le dire. Ouais. Appelez-nous voilà. En studio 819-376-5183 si vous écoutez en direct le jeudi. Et puis sinon, ben, écrivez-nous sur le site web assemblagerequis.com. On s'abreuve de vos commentaires tels des oiseaux dans un truc qui... nourrit les oiseaux. C'était excellent. Merci. Rising definitive.

C'est juste moi qui ai trouvé que c'était vraiment très similaire à l'original. Ouais, c'est un peu similaire. Ouais. Ouais. Mais bon, c'était la pièce Laura Palmer's Prom. C'est une pièce de You Say Party, We Say Die qui a été remixée, supposément, par Los Campesinos. Mais beau travail, en tout cas, ça sonne très, très bien. Oui, ça sonne très bien. J'aime ça autant que l'original, je dirais. Pas mal. Avant ça, c'était, j'espère, le futur succès de votre été. Ici, assez fou au moins, The New Pornographers avec la pièce Your Hands, entre parenthèses, Together, la pièce presque titre de leur album Together. Ouais, une excellente pièce. Je l'aime beaucoup, je pense que je vais aller me procurer l'album. C'est ce qu'on va tous faire ensemble, aller se, entre guillemets, dans les airs ici, procurer. Non, parce que l'album. Moi, je me procure pour de vrai. Ah, d'accord. T'es c'est sage. Vrai. Oui, je suis aussi. Très sage. Ouais, sur iTunes. Je ne download plus. Mais moi, j'aime pas ça sur iTunes. J'aime pas ne pas avoir l'album dans mes mains. Ouais, mais c'est bon quand tu vas avoir juste une pièce, quand ouais. Tu sais pas nécessairement si le reste de l'album est bon. Là. Ouais, ça, c'est sûr. Tu peux l'écouter ailleurs d'une autre façon, puis t'acheter la pièce. Ouais. Pour commencer, c'est un bon début. Puis souvent, sur iTunes, t'as l'option d'acheter le reste de l'album pour un rabais. Là. Ouais. En tout cas, pour moins cher que l'album au complet, c'était déjà une pièce. Ouais, c'est sûr, par exemple, ce qui est le fun, c'est que sur iTunes, ça coûte beaucoup moins cher. Oui. Parce que moi, ça me coûte très cher d'albums par semaine. Mais ça devrait coûter moins cher encore, à mon avis, parce que t'as pas la pochette, hein? T'as pas le transport à payer. Donc, il me semble ouais. Que ça devrait être moins cher que 9 et quelque chose, t'as pas rien, t'as juste la musique. Ça leur coûte rien à l'envoyer sur Internet, là. Mais moi, j'aime pas ça. Déjà, un CD, quand il y a pas les paroles dedans, j'aime ouais. Pas ça. Mais les paroles, c'est tellement facile à avoir, ça, c'est. Oui, je sais, mais j'aime ça, avoir ouais. L'art. Mais justement, parlant d'art, souvent dans les pochettes oui. D'albums, c'est tellement mal écrit, les paroles. De nos jours, c'est rendu la mode d'écrire les paroles tout croche, là, genre au crayon au plomb sur une feuille cartable. Oui, mais moi, j'aime ça. Non, mais c'est pas lisible. J'aime ça, moi. En tout cas. Parlant d'art, oui. Il y a une nouvelle exposition au Musée de la Civilisation à Québec. L'exposition se nomme Riff. Riff. Comme un riff. De guitare, là. De guitare. Zing, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Je vais vous lire ce qui est écrit sur le site du musée. Riff-nous-le. Quand un djembé angolais, un cor camerounais, un xylophone gabonais côtoient la trompette de Louis Armstrong, l'orgue de Jerry Boulet ou la guitare de Jimi Hendrix, on comprend toute l'influence de la culture musicale africaine sur les musiques populaires de notre époque, tant en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud. Plus que tout autre phénomène culturel, la musique s'est déplacée d'un continent à l'autre, où elle a été adoptée, métissée et transformée au fil du temps. C'est le propos de la captivante exposition Riff, quand l'Afrique fait vibrer les Amériques, qui prend l'affiche au Musée de la Civilisation à Québec du 2 juin 2010 au 13 mars 2011. Wow! Ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Tu vas y aller nous en faire un compte-rendu? Ah oui, c'est sûr que je vais y aller. Je vais essayer d'y aller avant de quitter pendant un petit bout de temps. La planète? Hein, tu t'en retournes sur ta planète? Ouais. Je vais essayer d'y aller. À ce qui paraît, j'ai quelqu'un que je connais qui est allé. Il y a un jardin. Que c'est comme, il y a des sièges et c'est comme si t'étais dans le spectacle. T'as comme un gros écran puis t'as des écouteurs sur les oreilles. Okay. Fait que c'est comme si t'étais au spectacle. Ça a l'air cool. Ouh. Tout le long, t'as des écouteurs, tu te promènes. C'est ça. J'aime ça. Oui. Très bien. J'ai de voir ça. Tout à l'heure, on a fait allusion à ce qui s'en vient plus tard dans l'émission et on a dit qu'on gardait des secrets. Stéphanie continue d'en garder, mais moi, je vous donnais un petit avant-goût quand même. Un minuscule avant-goût, une goutte. Une gouttière. Une gouttière. Voilà. On va avoir une chronique CNX tantôt avec le bloc cybercrime, donc des nouvelles croches et ou illégales. On va aussi avoir la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a, sur des inventions qui viennent régler des problèmes qui devraient peut-être pas nécessairement être réglés. Je sais pas. Et évidemment, il y a la capsule vidéo à la question qu'on va essayer de passer d'ici la fin de l'émission. Et c'est un fait sur des faits divers inutiles à dire à vos amis autour de la piscine ou encore dans le jardin avec des écouteurs sur la tête. Hein? Mais là, vous ne pourrez pas parler parce que vous allez entendre des affaires dans vos écouteurs, mais bon, quand même. Ouais. De okay. Mon côté, oui. Je vais donner quelques petits... T'es de plus en plus agace, toi. Je vais parler, comme j'ai dit au début, je vais parler des sorties d'albums. Il n'y en a pas beaucoup cette semaine. Je vais aussi vous parler des spectacles qui s'en viennent. Je vais vous parler de mon plat favori qui a été très, très dur à choisir cette semaine. J'ai écouté vraiment beaucoup de musique cette semaine, alors ça a été un peu compliqué de choisir. Il y a aussi la trame sonore de Twilight qui était en streaming pour 24 heures. Tu l'as écouté au complet? Oui. Ouh. Oui, j'ai écouté ça hier. Il était en streaming jusqu'à midi aujourd'hui. Ça a l'air juste 24 bon. Heures, ça sort la semaine prochaine. Alors, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Cool! Pour l'instant, on va entendre une pièce du palmarès francophone. Ça vient tout juste de faire son entrée. Donc, jouons-la, écoutons-la et faisons-la lever un peu. Hein? Voici Le Couleur avec L'Amour le jour au 89.1 FM. Thank you. yourself. And I love the cool way you look at me. And we've got a lot of time to get this right. At least that's how I hope it's gonna be. Toujours à Assemblage Ricky, l'émission estivale en pièces détachées. On vient d'entendre la pièce Here With Me de Jennifer O'Connor. Qui est Jennifer O'Connor et pourquoi est-ce que je connais pas ça encore? Moi non plus, je connais pas. Ouais. Ben, j'ai l'album chez nous, mais je l'ai pas encore écouté. Encore une fois, comme toutes mes autres CD. T'as trop de CD à la maison et pas assez de temps, je pense. Exactement, t'as tout compris. C'est de même pour bien du monde, je pense. Ouais. Ça me coûte cher pour rien. C'est triste. Ben oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Alors, parlant de dépenser de l'argent, mais pas pour rien. Non. On va parler des spectacles qui s'en viennent. Ce soir, il y a deux spectacles très intéressants, dont deux que j'aurais vraiment aimé aller voir, mais je pense que j'aurais pas le temps. C'est Random Recipe au Café Campus à Montréal. J'étais déjà vu une fois en spectacle et c'est vraiment, vraiment une expérience. Mm-hmm. Ils sont vraiment, vraiment fun à voir. Aussi, ce soir, Brian Jonestown Massacre et Elephant Stone au Cabaret La Tulipe. Le 8 juin, qui est mardi prochain, il va y avoir Val Salva au Mardi Live du Gambrinus. Je cherchais le titre, je me rappelais plus. Moi, j'ai oui, encore. Les Mardis de la Relève sont terminés, donc ouais. C'est les Mardis Live qui sont de retour. Oui, exactement. Et c'est ça, c'est Valsalva qui va être au Gambrinus. Valsalva, qui a le drummer de Valsalva, qui a gagné les Mardis de la Relève. Avec Atomic Baobab. Exactement. Wow. Wow. Et Finalement, 7 et 8 juin, il y a Arcade Fire qui a annoncé leur spectacle au Théâtre Granada à Sherbrooke. C'est leur premier concert depuis la tournée de Neon Bible. Et truc vraiment drôle, j'essayais de trouver les deux chansons, les deux nouvelles chansons d'Arcade Fire sur Internet. Ils ont toutes enlevées de YouTube. Alors, je ne vais plus les trouver. Je me suis dit... Attends, oui. Je me suis dit, je vais aller sur le site d'Arcade Fire. Je vais sur le site et je sais pas si tu peux voir présentement sur le site à gauche, genre vinyle ou je sais pas quoi, Suburbs 12, vinyle 12 pouces. 12-inch single, ouais, c'est ça. Exactement, 12-inch single. Alors, j'ai cliqué là-dessus, puis là-dessus, tu vois le vinyle. Et là, très joli, d'ailleurs. Pour le faire fonctionner, il faut que tu cliques et que tu fasses tourner le vinyle. Non! Oui, pour de vrai. Wow. Et si tu lâches ta souris, le vinyle va faire fumer. OK, mais attends, il faut essayer ça quand même. Okay. C'est le, mettons, je lâche ta souris. Là. J'ai lâché la souris. Wow! J'adore ça! Je vais le faire toute la journée. Alors, et tu peux switcher le vinyle. Hein? De côté? Oui, de côté. Comment ça se passe? Et ça va être la deuxième chanson qui va jouer. Aïe! Ouais, tu peux faire jouer le vinyle à l'envers, toute l'équipe. C'est quoi? Ça parle-tu du diable quand tu fais ça? Non. Non, non. Mais après, j'ai découvert que si tu cliquais sur Lyrics... Donc la section où tu es supposé trouver les paroles des pièces. Ouais. Je me suis rendu compte qu'on pouvait trouver The Suburbs. Comme ça, intégral. Un petit bouton play, tu pèses dessus. Pendant que moi, ça faisait 5 minutes que je tournais ma souris en rond pour écouter la pièce. J'aurais aimé ça que ça soit filmé, ça. Ouais, j'étais vraiment fâchée. Mais bon, sur ça, on va aller écouter la pièce sans tourner la souris non-stop. Parce qu'on va quand même te laisser faire autre chose, Mathieu. Ça, j'ai les mains fatiguées en général. Ça, c'est louche. Bon, alors on va aller écouter la pièce The Suburbs qui va être sur le prochain album Dark Age Fire qui sort le 3 août et qui s'intitule The Suburbs. Vous êtes à Assemblage Rocky. Grab me. Écoutez Assemblage requis. Broken Social Scene et la pièce Forced to Love dans Assemblage Rocky. Une pièce que j'espère qu'il va se retrouver sur le palmarès. C'est une excellente pièce et un excellent album. Si on continue de la faire jouer, ça va arriver un jour. Oui, il faut. On avait une discussion assez intéressante sur les habitudes musicales qu'on peut avoir avec le temps. T'sais, il me semble que depuis qu'on est jeune, des fois on écoute la même musique pendant une longue période de temps et puis après ça on découvre d'autres musiques. Mais des fois, le pourcentage de musique, je dirais merdique, qu'on a reste un peu, reste collé à nous. Il y a des gens que c'est difficile de se départir. C'est vrai. De ça. C'est vrai. Toutes les. Tu sais, ceux qui ont trippé New Kids on the Block. Là. Backstreet Boys. Ouais, moi, c'était Backstreet Boys, là. Moi, si j'entends une chanson des Backstreet Boys, c'est sûr que je me mets à chanter. Mm-hmm. C'est sûr. Ça reste. Ça reste. Puis là, à un moment donné, ben, t'as de la curiosité, mais la curiosité n'est peut-être pas assez extrêmement élevée pour que t'ailles vraiment voir ailleurs. Puis tu reviens souvent à tes vieilles affaires, les valeurs sûres. C'est de même. Oui, oui. Bon, une chose que je sais, moi, dans la vie, je peux être persuadé d'une chose, c'est qu'il y a des faits qui sont immanquablement vrais, qui sont véridiques, véritables et vérifiables. Et c'est ce qu'on appelle la chronique, c'est un fait que voici. Commençons avec ce fait assez intéressant, je trouve, moi. Savais-tu, Stéphanie, que les Big Mac de chez McDo, tu connais relativement McDo? C'est dans mon top 3 des meilleures inventions à vie. Oh, wow! Généreuse. Il y a apparemment 380 grains de sésame sur chacun de ces pains-là. Et c'est vrai, hein, c'est selon Fresh Start Bakeries, un plant manager là-bas, donc un gérant de l'usine, si on veut. C'est une compagnie qui fournit les pains à McDonald's depuis 1964 et ils doivent bien le savoir combien il y en a parce qu'ils font 5000 pains de Big Mac par heure. Donc, la compagnie Fresh Start Bakeries qui assure aussi que chez McDonald's, vous n'aurez pas jamais de pain qui va être plus vieux que 4 jours. Tellement qu'il y a de roulement là-bas. Savais-tu que l'État du Maine est le seul État qui a une seule syllabe? Le Maine. Pense c'est vrai? Le seul. C'est vrai? Mm-hmm. Vermont, New Hampshire, Rhode Island. Alaska, on pourrait continuer il y a tellement longtemps. Ouais. Mais on le fera pas. Non, ça va être un peu. Savais-tu que ton poumon gauche est plus gros que ton poumon droit? Et là, tu vas me demander, mais pourquoi? Mais pourquoi, Mathieu? Pour faire de la place pour le cœur. Mais c'est vrai! Ben oui. À exactement 6 minutes et 7 secondes après 5 heures, donc 5 heures du matin, le 9 août 2010, il va être 5, 2.6, 2.7, du 8, du 9, du 10. Et ça, ça va arriver pour la prochaine fois en 3010. Donc, profitez-en quand ça va arriver. Ça va être le 9 août à 5 heures, 6 minutes, 7 secondes. Hein? C'est cool. C'est très cool. Savais-tu que LOL, LOL, tu utilises ça sur Internet, là, c'est pas seulement laugh out loud ou mort de rire en français. LOL, c'est aussi fun, le mot plaisir, en Dutch. La langue Dutch, c'est quoi ça? C'est pas l'allemand, c'est le néerlandais, je crois. Dutch, sais-tu? Ça se peut. Dutch, ah oui, c'est le mot plaisir. Paul Winchell, oui, la voix de Winnie the Pooh, la voix de Tigger dans Winnie the Pooh, en anglais, évidemment, est aussi l'inventeur d'une des premières versions du cœur artificiel. Donc, il a breveté cette idée-là du cœur artificiel et puis il faisait la voix de Tigger dans Winnie the Pooh. Paul Winchell. En 1980, C-3PO et R2-D2, R2-D2 et C-3PO, là, dans show Star Wars, un truc, là. Hein? Chose comme si c'était pas connu. Attends que gosse, là, mais il y en a qui connaissent ça, hein. Apparemment qu'ils ont visité Sesame Street, donc l'émission Chose Rue Sésame. Un Rue Sésame, je pense, c'était en français. Rue Sésame? Oui, ouais, en français. Il y a une version française de ça. Moi, j'étais une tête carrée, j'écoutais ça en anglais. Et cœur fendant. ils ont joué à des jeux, ils ont chanté des chansons, et même que R2-D2 est tombé en amour avec une bande fontaine. Je voulais trouver ça sur YouTube, mais c'est vrai. Le plus d'enfants nés d'une même mère est 69. Entre 1725 et 1765, la première femme de Féodor Vassiliev à Chouïa, en Russie, avec un total de 27 grossesses, a donné naissance à 16 paires de jumeaux, 7 groupes de triplés, 4 groupes de quadruplés. 67 de ses 69 enfants ont survécu au-delà du stade de l'enfance. Sa première femme au gars, Féodor Vassiliev, donc a établi un record, mais Vassiliev a continué d'avoir des enfants. Donc, sa deuxième femme a donné naissance à 6 paires de jumeaux et 2 ensemble, disons, de triplés. À l'âge de 75 ans, il avait eu 82 enfants qui étaient toujours en vie. C'est épouvantable. C'est un héros. Je suis pas certain que c'est un bon père, moi. Pas sûr non plus. Je sais pas où ce qui est, Matt. Non seulement des armoires. Le 57 sur les bouteilles de ketchup Heinz, tu te rappelles sur les bouteilles de ketchup Heinz, il y a le chiffre 57 dessus? Non, pas vraiment. Il y a le chiffre 57 sur un cornichon, comment? T'as jamais inspecté ta bouteille de ketchup au restaurant? Moi, je fais tout le temps ça. Les boîtes de céréales, les bouteilles de ketchup, non? Non. Bon. Bref, Henry John Heinz, voulait impressionner les gens avec le nombre de produits que sa compagnie vendait. Donc, à ce moment-là, Heinz Foods vendait plus de 60 variétés de produits. Mais là, plus de 60, ça n'aurait pas été bébé catchy comme chiffre. Donc, Heinz aimait le chiffre 57 à cause que c'était son chiffre chanceux, le 5, et le chiffre chanceux de sa femme, 7. Donc, il a choisi 57 variétés et a mis ça sur son étiquette. Le slogan a marché, sa compagnie a vraiment décollé. Donc, après ça, le logo, qui est un cornichon avec le chiffre 57 dessus, était partout. Donc, c'était son chiffre chanceux et c'est pour ça qu'il y a du succès, qu'il dit. 57. Savais-tu que l'éclair est 5 fois plus chaud que le soleil? Non. Un éclair peut aller jusqu'à des températures de 30 000 Kelvin, ça c'est 53 540 degrés Fahrenheit. Je ne ferai pas la conversion en Celsius, ça c'est trop. Si on compare ça à la surface du Soleil qui est de 6 000 Kelvin, donc 10 340 degrés Fahrenheit, donc c'est presque au moins 5 fois plus chaud l'éclair que le Soleil. Ça me fait penser à mes cours au cégep, ça, les Kelvin. Ah oui? Moi, ça me fait penser à Kelvin et Hobbes. Ah! Bande dessinée, non? Non. Bon. La maison où le chose, la Jefferson, Chose Jefferson, tu connais Chose Jefferson, qui a écrit la Déclaration de l'indépendance américaine? Oui. Ça a été remplacé par un stand de hamburgers depuis le temps. Donc, Jefferson a écrit sa Déclaration de l'indépendance dans la Graff House à Philadelphie. La bâtisse a été détruite en 1884 et remplacée par une banque. La banque a été démolie au 20e siècle. À sa place, il y avait une nouvelle bâtisse, donc un stand de hamburger avec un petit marqueur historique sur le devant de la bâtisse pour expliquer la signification de ce site, là, l'importance de ce site. Je suis sûr que ça doit vraiment, vraiment pogner, ce stand de hamburger-là. Ça doit. Je déclare que ce hamburger rentrera dans ma bouche. Hein? Je suis pas sûr qu'ils font ça. C'est vraiment pas. Ça veut dire que l'animatrice de talk show Oprah Winfrey, tu connais Oprah Winfrey? Oprah, oui. Maître du monde, plus qu'Obama, etc. Oui. Sa tante l'a nommé Orpah, en fait. Donc, son vrai nom, c'est Orpah, selon un personnage biblique du livre de Ruth. Donc, Orpah était son nom. Son nom était écrit Orpah sur son certificat de naissance aussi. Malheureusement, le reste de sa famille avait de la difficulté à appeler et à prononcer son nom. Donc, elle a grandi avec le nom Oprah. Tout le monde l'appelait Oprah. Et puis, elle a vécu avec le mauvais nom donc pendant toute sa vie. On aurait pu regarder donc le Orpah Winfrey Show ou encore lire des livres du Orpah's Book Club. C'est vrai, ça se dit mal, par exemple. C'est vrai, hein. Mais sa compagnie de production s'appelle Harpo, comme Ouais, c'est le con. Ouais, c'est ça. Elle n'a pas appelé Orpah. Elle aurait pu. Ou pas. Elle aurait pu ou pas. La plus petite grenouille du monde est de la grosseur d'un 10 cents. Nickel, c'est 5 cents. Dime, c'est 10 cents. Hein? Ouais. C'est ça. Bon, donc de 10 cents. C'est la Eleutherodactylus iberia. D'accord. C'est une petite grenouille qui vit à Cuba. Son corps mesure 10,5 mm. Ça, c'est pour les filles, les femmes, les femelles. 9,8 mm pour les mâles. C'est plus petit qu'un 10 cents américain, sûrement canadien aussi. Et plus petit qu'un ongle de pouce. Il y a une photo sur assemblagerequis.com dans les liens. Vous allez voir que c'est plus petit qu'une montre, même. Grenouille très, très rare qui peut être trouvée seulement à 100 km de périphérie autour de Cuba. Ça vit en dessous de racines et de feuilles d'arbres. Donc, c'est très, très difficile à trouver. Sur moi, ça fait peur quand tu vois ça. En même temps, c'est tellement petit que ça fait pas si peur que ça. Tu te dis, c'est un maringouin. Oupa! Oupa! Oupa! Oupa! C'est un fouet. L'acteur qui joue le personnage de House, tu connais House? Oui. Série télé, bon. Jamais écouté, par contre. Non, c'est très, très bon. Très, très bon. Donc, House développe des problèmes de jambes dans la vraie vie parce qu'il joue un personnage qui boite. House boite dans l'émission, donc Hugh Laurie, qui est un acteur anglais, qui joue le personnage titre de House, a dit qu'il va peut-être pas réussir à continuer l'émission très très longtemps parce que, bon, son personnage boite, et puis quand tu joues de façon réaliste un gars qui boite, ben ça commence à faire mal. C'est sûr, tu mets tout le temps ton poids sur la même jambe. Exactement, c'est comme ceux qui ont une jambe plus courte que l'autre. Ça doit pas être la fin. Ça doit pas. J'imagine. Une personne sur 32 aux États-Unis sont en prison, en probation, ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc, plus d'une personne sur 100 aux États-Unis sont en prison, ce qui veut dire plus de 2,3 millions de gens derrière les barreaux aux États-Unis. Avec autant de gens en prison, les États-Unis sont au sommet, si on veut, des palmarès. Autant par rapport au nombre de gens qu'ils ont en incarcération, et ça, c'est plus que la Chine. La Chine a d'ailleurs une population beaucoup plus grosse, donc par comparaison, c'est pas mal les États-Unis qui gagnent, et un plus haut pourcentage de sa population derrière les barreaux que n'importe quel autre pays. Le gouvernement d'État aux États-Unis dépense 50 milliards de dollars par année sur les prisons, et le gouvernement fédéral, lui, dépense un autre 5 milliards. Les États-Unis ont moins de 5% de la population du monde, mais presque le quart des prisonniers dans le monde au complet. Aïe-oïe! Deux petites dernières, on va terminer là-dessus. Il y a plus de vaches en Inde que de voitures aux États-Unis. L'Inde a plus de vaches que n'importe quel autre pays. Il y a plus de 280 millions de vaches en Inde. C'est plus du quart de la population de vaches mondiale. C'est ça? Donc 22,29%. Ouais. Pour mettre ça en perspective, les États-Unis ont seulement 96 millions de vaches. Donc c'est moins de la moitié du nombre de vaches que l'Inde a. Et la population de vaches en Inde est plus haute que la population de chats et de chiens aux États-Unis si on les combine ensemble. C'est 77,5 millions de chiens et 93,6 millions de chats. C'est encore plus haut que la population de voitures aux États-Unis, qui est aussi une très, très grande population. Hein, 246 millions de voitures qu'on a comptées en fin 2009. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, on termine sur celui-là. Lewis Carroll, tu connais l'auteur de Alice au Pays des Merveilles? Oui, oui. Récemment sorti sur DVD. Je l'ai pas vu encore. Moi non plus, ça a l'air nul. Donc, il souffrait d'un très, très rare désordre neurologique, oui, c'est ça, qui causait des hallucinations assez étranges. La maladie a été nommée, d'ailleurs, Alice in Wonderland Syndrome, donc le syndrome Alice au Pays des Merveilles. Ce syndrome-là a été découvert par un psychiatre anglais, John Todd, en 1955, plusieurs décennies après la mort de Lewis Carroll. Par contre, Carroll souffrait de la plupart des symptômes, particulièrement des hallucinations causées par les migraines. En fait, ses livres ont été inspirés par son expérience, si on veut, avec les migraines. On appelle souvent ça le Todd Syndrome, oui, après John Todd. Et des fois, on l'appelle aussi hallucination lilliputienne à cause de Gulliver's Travel, le livre. Bon. C'est un type de ce qu'on appelle la macropsie. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça en français, macropsia. Une condition où les objets autour de toi ont l'air plus gros que ce qu'ils sont dans la vraie vie. Donc, tu as l'impression d'être tout petit à côté de ces objets-là. C'est similaire à ce qui est arrivé à Alice dans le conte, après avoir bu une bouteille, blablabla. Et c'est aussi similaire à ce qu'il y a dans Gulliver's Travel, donc assez intéressant. Ce syndrome où tout a l'air plus gros autour de toi. C'est vrai, je savais pas, c'est vraiment... C'est intéressant. C'est étrange. Étrange. Mmh. Mais c'est supposément vrai, parce que c'est dans la chronique, c'est un fait. On sait pas, il y en a sûrement la moitié là-dedans qu'on peut comme... Non, mais ils ont toutes des sources plus ou moins. Mais celui-là, il est pas mal croyable. Croyable. Incrédible. Croyable, c'est beaucoup plus drôle. Bon. It's croyable. I can cry it. Don't cry. Don't cry, Stephanie. Mathieu. On va retourner en musique. Quoi? Et ses jeux de mots. À un moment donné, tu sais, mes jeux de mots ont l'air plus gros dans ma tête qu'ils le sont vraiment. On va entendre la patère rose. Oui, on va entendre la pièce Chamor sur mer. Une chanson qu'on n'entend pas souvent. C'est fou, on fait toujours jouer pas mal les mêmes. Toutes les autres. Oui, c'est ça, toutes les autres, sauf celle-là, mais c'est une excellente pièce. Bon, c'était Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées avec Stéphanie et Mathieu, jusque dans à peu près 2h15, 2h05. 2h05. 2h07. Faut être précis dans les 2h07 environ. Oh, 6, 2h06. Down, I know it. wish you by your footsteps on the ground. I see a sunbeam coming down. I know wish you by your footsteps on the ground. I see a sunbeam coming down. I know wish you by your footsteps on the ground. I see a sunbeam coming down. D'accord avec toi, vraiment. Oui, c'est vraiment une bonne chanson et vraiment un bon clip. C'est une œuvre d'art, là. Tellement. Les paroles apparaissent sur les souliers des gens qui marchent sur une vitre et tout se passe comme contre une vitre. Oui, c'est ça. C'est comme si c'était filmé d'en dessous. C'est ça. Comme bref. France Baudouin dans le début de Bon Baiser de France. C'était Audio Bullies avec la pièce Only Man qui a failli faire mon plat favori cette semaine. Mais ça l'est pas. Donc, c'est encore meilleur, ton plat favori? Oui, ça va être encore meilleur. Mais je n'y crois pas. Je pense que ça va être mon hit de l'été. C'est vraiment là, tellement entraînant. J'ai le goût de danser. Tellement, on va en jouer. Ici, c'est sûr. Il va falloir. Reste avec nous. Il y a une deuxième heure d'assemblage requis qui s'en vient. Entre autres, plus tard dans l'émission, il va y avoir une chronique sur des inventions stupides. Oui, il va aussi avoir les sorties d'albums de Born Ruffians. Et tellement plus encore. Tellement plus. Mais du mystère, ça, il y en a aussi, mais pas trop. Hein. On fait languir un peu. Exactement. Mais faut rester à l'écoute pour savoir. Et voilà. Pour encore un bon 2 heures. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées en compagnie de Stéphanie et Mathieu. Et je sais que vous aimez ça, donc cachez-vous-le pas. Assumez-vous là-dedans. Fierté, Assemblage Requis. Fierté requin, hein? Ah, fierté requin! Les requins, ils sont contents d'entendre ça parce qu'on les appelle pas assez souvent les requins, ça. Faudrait les mentionner plus souvent. Ben oui. Requinons un peu ensemble. Oui. C'est eux autres qui sont importants, pas nous. Nous, si on n'était pas là, l'émission continuerait sûrement quand même. Il n'y aurait pas d'animation entre, mais ce serait de la musique, ça. Ouais, c'est ça. Alors que vous, si vous étiez là, ben là... Ça serait cool d'avoir genre plein de requins en studio. Hey, ben, faudrait commencer par avoir de l'eau. Hein? On va s'installer une piscine dans le studio. Ça devrait faire la job. Ah! Bon. Ah, c'est une niaiserie. Tout à l'heure, il va y avoir ta chronique sur les nouveautés CD de la semaine. Oui! Alors, restez là. Pour ça, voici Romantic Rites, The Dead From Above, 1979. I want you. Vous êtes toujours à Assemblage Requis avec Mathieu et Stéphanie. L'émission estivale en pièces détachées. On vient d'entendre The Strokes avec... Pas avec Soul Brother. Pas avec Soul Brother. Bon, avec Soul Someday. Fat Boy Slim, ça, je pense. Soul Brother, non? Non. Avec la pièce Someday, tirée de leur premier album, Is This It, un album que je me suis procuré cette semaine. À ce qui paraît, c'était un album qu'il fallait que j'aille dans ma collection. C'est très bon. Okay. C'est pas This Is It là, de Michael Jackson. Non, c'est Is This It. Ah, d'accord. Très bon, sorti en 2001, si je me trompe pas. OK. Parlons des nouveautés musicales de cette semaine. Il y en a un nombre approximatif de plusieurs. Très approximatif comme nombre. Merci. Il y en a deux qui m'ont intéressé, mais dont un que je n'ai pas écouté encore. C'est Ratatat avec leur album LP4. Alors, je vais vous en reparler quand je vais l'avoir écouté. J'ai pas eu le temps cette semaine. Un de ces quatre. Un de ces LP4. Mais bon, je me suis plus concentrée sur l'album de Born Ruffians, leur nouvel album Say It. C'est un trio que j'ai découvert cette semaine, un trio de l'Ontario. Ils ont déjà joué avec Franz Ferdinand, Tokyo Police Club, Caribou, Hot Chip, The Honorary Title, plein de groupes que j'aime bien. Mm-hmm. Et la voix ressemble un peu à la voix de Vampire Weekend, surtout dans la pièce Soul Brother. Ah, c'est de là que ça venait, c'est ça? C'est de là que ça venait, le Soul Brother. Mais... j'ai aimé l'album, mais c'est un peu ordinaire parfois. On dirait que le chanteur manque de souffle. On dirait que ça a été fait vraiment rapide, okay. L'album. On dirait qu'ils se sont un peu pitchés là-dedans, puis ça paraît vraiment beaucoup. Son coach vocal lui a pas montré comment respirer. Non, vraiment pas. Et aussi, on dirait que tous les musiciens jouent individuellement. Oui, tu vas me dire, ils jouent individuellement quand ils enregistrent pour l'album. Mais on dirait que c'est vraiment pas mis... ensemble, c'est pas une entité. Ils ont pas écouté les tracks des autres pour ouais, c'est ça. On dirait qu'ils ont pris, admettons, les trois musiciens, ils ont pitché ça ensemble, puis ils ont pas regardé si c'était vraiment ensemble. OK. Fait qu'on dirait que le drum joue tout seul. C'est... Non, j'aime pas ça. Étrange. Mais quand tu portes pas vraiment attention, tu t'en rends pas compte. Faut vraiment que t'écoutes en profondeur. Et c'est ce que les gens d'habitude font quand ils écoutent de la musique en général dans le monde au complet. Ils écoutent pas mal n'importe quoi sans trop vraiment écouter. T'sais. Non, mais c'est si tu écoutes l'album en profondeur, tu vas te rendre compte que il y a beaucoup de défauts. Mais si tu passes ça à la radio en faisant ton ménage, tu t'en rendras c'est pas compte. Tu vas bien aimer ça. Alors voilà, je vais vous faire écouter ma pièce préférée de l'album. Celle qui est la meilleure. Soul Brother. Celle qui a la voix ressemble à Vampire Weekend. Ben, j'ai hâte d'entendre ça. Moi qui n'aime pas Vampire Weekend. T'aimes pourtant. Pas Vampire. Ben là, come on. Vampire J'aime Weekend. Quelques chansons. Faudrait en mettre un peu là. Faudrait. Vampire Weekend. On va regarder ça. Voilà, on va aller écouter Soul Brother à C'est Fou, 89,1. FM? FM? OK. Si tu le demandes gentiment comme ça. Je le demande si gentiment, Mathieu. Je suis toujours gentil, voyons donc. Je sais. Soul Sister. I was a soul. aller aux toilettes. Hein? Ah, Twilight! Ah, Twilight! Oui. Mais bon, comment est-ce que t'as trouvé la chanson, Mathieu? Ouais, hein? Mais pas sûr. Comme tu dis, je trouvais pas les mots, mais tu les as trouvés pour moi. C'est on dirait qu'il enregistrait ça dans la salle de bain. Ben, on dirait qu'il trouvait que je chantais mieux dans la douche, fait qu'il s'est dit, ben, l'enregistrer dans la douche. Ouais. Mais avec l'eau, ça a fait qu'il a pas eu un choc. Là, ben, c'est pour ça qu'il est allé trop haut dans ses notes. Ouais. Il chante tellement trop de la gorge, là. C'est dur à écouter presque, je trouve. Ouais. Mais on dirait, tu sais, sans vouloir être trop méchant, mais on dirait, tu sais, un band que c'est comme leur premier enregistrement de chansons officielles sur un CD qu'ils ont mis dans le sous-sol. Ou première fois qu'ils ont chanté à vie, genre. Ça a l'air un peu là-dessus. Pour pas être trop méchant. C'est juste à peine assez méchant, je pense. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais la voix, des fois, ressemble un peu à Vampire Weekend, mais okay. Forcé un peu. Alors voilà. C'était bon. Born Ruffians et leur nouvel album Say It. Ben, c'est un choix, tu sais. T'as choisi un extrait, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu me l'as fait entendre, je dirais. Parlant. Ça a eu lieu. Oui. Parlant d'extrait à entendre. Ouais. Je parlais tantôt de Twilight. Vrai. Eh bien, il y a la troisième trame sonore qui sort la semaine prochaine, le 8. On me dit que ça a rapport avec un film qui sort, mais ben, parlons juste de la. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'est la trame sonore de Twilight, le Eclipse, qui sort la semaine prochaine, qui a été mis en streaming pour 24 heures. Et je l'ai écouté. Et il y a vraiment des gros noms. Là. Je vais te nommer juste quelques-uns. Ils sont tous excellents. Il y en a genre, je vais t'en nommer comme 10. Il y en a vraiment beaucoup des gros noms. Là. Metric, Florence and the Machine, Muse, The Bravery, Dead Weather, The Black Keys, Vampire Weekend, Band of Horses, Beck, Bat for Lashes. Aïe, aïe. Ouais. Ça fait mal entendre autant de bons noms ensemble. Il y a beaucoup de monde. Mais tu sais quoi? Quoi? Je m'achèterai pas cette CD-là. Non. Non, parce que même moi qui est une fanatique finie de Metric, j'ai pas aimé tant que ça la chanson de Metric. Chaque chanson est un peu ordinaire. OK. C'est décevant. Ben, ils l'ont fait pour le film. Peut-être qu'ils ont dû adapter leur style musical à la trame sonore. On voit les paroles qui sont adaptées vraiment au film. Ouais. Ça paraît beaucoup. C'est pas comme si tu prends. D'habitude, les trames sonores, c'est pas nécessairement une chanson qui a été faite pour le film. C'est ça. C'est souvent des pièces qui ont été prises sur un disque à quelque part. Exactement. Puis, ouais. Mais là, ça paraît, puis j'aime pas beaucoup ça. Il y a deux pièces que j'ai aimées, puis que je vais sûrement m'acheter sur iTunes. Il y a The Bravery avec la pièce Ours et Florence and the Machine avec Heavy in Your Arms. C'est tout. Ce qui est dommage, c'est que si tu veux aller acheter l'album complet de l'artiste, la pièce est jamais sur l'album de l'artiste. Il faut absolument que tu achètes la trame sonore pour avoir. Voilà. C'est triste, en tout cas. Bref. Mais bon, le film, qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, on va faire comme une vraie éclipse, puis on va aller le voir avec une boîte de souliers, puis ça va être correct. Un trou dedans, puis tu regardes ça, puis là, tu écoutes la musique, puis tu es bien content. Ça. Voilà. Avec un bandeau, quelques petits. Tu sais, les oreillons comme les chiens portent, là, pour quand il y a des puces. Tu mets ça sur. Comme ça amplifie le. Puis non. Non. OK. Non. Tout à l'heure, on va parler d'inventions qui viennent régler un problème que très, très peu de gens ont dans la chronique. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Mais pour l'instant, on va entendre un extrait de Vampire Weekend parce que je me suis dit, tu sais, tu m'as donné le nom de Vampire Weekend. Moi, j'ai envie d'écouter The Vampire Weekend. Hein? Quelle pièce? Cousins. Cousins. Pourquoi pas? C'est une des seules que j'aime. Ben, Colin, toi. Ça tombe bien. C'est incroyable. Très beau clip aussi. Side in a house on a street that wouldn't park on the night. That was a risk taker. He's one. body's starting to jump. Another drink or two, then people will start wanting to come. People sneak enough so they can go out of the nose. It won't be long before people start losing their clothes. Toujours Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées avec Mathieu et Stéphanie. On vient d'entendre la pièce Dance Floor and Cocktails de AQ6. Tu connais pas, hein? Non, mais c'est excellent. Ouais, c'est vraiment bon. Ça, c'est un petit EP que j'avais acheté ici même. Pas en studio, mais à la Chasse-Galerie. Ouais, c'était bizarre quand même. Hein? Pas en studio quand même. Non, pas en studio. On vend pas de CD, nous autres. C'est illégal de faire ça, en fait. Ouais. Non, c'était à la Chasse-Galerie. J'avais vu ce groupe-là. C'est un groupe de l'Angleterre. Mais je les avais vus à la Chasse-Galerie de ça, près de 2 ans. Ah oh, ouais, wow! L'album est vraiment beau. Ouais, ils ont vraiment un bel album. Puis en plus, les gars étaient super fins. Moi, je suis du genre hyper groupie. Fait que quand ils m'ont offert un sticker, moi, je me suis mis à leur jaser ça. Puis à parler de quel groupe qu'on aimait. Moi, j'allais voir Oasis le lendemain. Eux autres, ils allaient voir The Cooks. Ah, c'était vraiment le fun. Wow! Quel beau moment. Mais oui. T'es vraiment groupie, pour vrai. Là. Oui. Vraiment, là. Vraiment beaucoup. Vraiment. Vraiment. Qu'est-ce que tu veux, je suis faite pour être dans un groupe de musique, mais je suis pas capable de jouer à rien. T'as tout là, mais sauf le talent. T'as tout compris. Wow! Comme elle disait si bien, avec son talent radiophonique, parce que c'est quand même. Hein? Bon. Faut bien que j'aille quelque chose. C'est ça. Bon. Donc, vous êtes à Assemblage Requis. C'est l'émission du retour, émission estivale en pièces détachées, comme vous voulez bien. Tout à l'heure, tantôt, il va y avoir la chronique Ton plat favori de Stéphanie. Stéphanie qui va nous parler de juste un indice minuscule. Minuscule indice. Ouais. T'en as fait jouer dans les voilà, 2-3 semaines. Colin, hein? C'est toi qui m'as fait connaître mon coup de cœur. Arrête-moi ça! Tu deviens groupie de moi, là, hein, c'est ça? Pas tant que ça. Non. Groupie du band que tu m'as fait connaître. Ah, tu pourras moi faire semblant un petit peu. OK. Je suis groupie de Mathieu. Merci. Tout le monde. Maintenant, toute la ville le sait. Bon, il était temps. Alors, on va l'entendre une suggestion de nos chroniqueurs vedettes, Maxime Lemire-Amé. Il est venu en studio tout à l'heure. Il nous a pas parlé en nom parce qu'il est trop sauvage, mais il a décidé, il voulait entendre du Black Keys. Donc, voici la pièce Next Girl de The Black Keys, tout de suite dans Assemblage Requis sur C'est fou. C'est fou. C'est fou. Visitez le www.cfou.ca. 89. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. pièce La République de We Are World sur leur album Invisible Violence ou encore Invisible Violence, dépendant de quel côté vous penchez. Là, on ne vous jugera pas là-dessus quand même. Là. Ça dépend des gens. Ça, ça dépend des gens. Anglo-franco. Ouais. Vous êtes à Assemblage Rocky. Maintenant, c'est le moment de, d'une chronique qui se prend pour CNX, mais qui n'est pas vraiment CNX. Tu sais, la confusion est encore là. Oui, vraiment. Je pense qu'elle va toujours y être. Elle va... C'est flou, la ligne entre les entre S, CNX, chronique technologique, ou S, pas CNX. Hein? Mais technologique. Mais technologique parfois. En même temps. Ben, c'est ça. La ligne, j'essaie de la mettre entre... est-ce que c'est une chose qui est électronique ou une chose qui n'est pas électronique? Donc, si c'est électronique, c'est dans CNX. Si ce n'est pas, c'est dans la chronique. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Qui est la chronique qu'on va faire là. Donc, la ligne peut être soit ça ou soit ça vient régler un problème qui ne devrait pas être réglé. Donc, tu sais, la ligne est comme là. C'est flou un peu. Commençons avec un gadget qui est technologique, mais qui ne sert à rien dans ce cas-ci. Okay? L'Université de Tokyo et Sony Computer Science Laboratories ont élaboré un appareil qui permet aux chats de communiquer en temps réel sur Twitter. Donc, les maîtres absents du domicile vont pouvoir suivre les faits et gestes de leur chat. L'appareil qui s'accroche un peu comme un collier est équipé notamment d'une caméra, d'un détecteur d'accélération et d'un GPS. Les différentes informations enregistrées sont ensuite analysées, interprétées et transmises sur un ordinateur via Bluetooth avant d'être envoyées sur Twitter, le service de médias sociaux. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Exactement. À quoi ça sert de savoir qu'est-ce que ton chat fait quand tu n'y es pas? Et le pire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de phrases à dire. Donc, si on suit son chat sur Twitter, on va pouvoir savoir quand il mange, quand il dort ou quand il se promène dans le quartier. Donc, pour l'instant, le prototype présenté ne fonctionne qu'avec 11 phrases prédéfinies. Votre chat n'aurait donc d'autre choix que de tweeter « Cette pâtée est bonne quand il mange », par exemple. Hein? Mais s'il n'aime pas? Ah, est-ce qu'il y a une phrase pour ça? On ne saura pas. Avant de l'acheter, peut-être. Ah. Le laboratoire a l'intention d'étendre prochainement la gamme de tweets que la communauté féline pourra exploiter. Il établira, par exemple, des liens entre deux actions consécutives. Un chat qui mange juste après s'être promené tweeterait « Rien de tel qu'un bon repas après une balade hein? ». Par ailleurs, avec sa caméra et plusieurs milliers de photos de chats en mémoire, l'appareil est capable de reconnaître d'autres chats, histoire de connaître toutes les fréquentations de votre animal. Vous pouvez aller voir l'article sur assemblagerequis.com dans l'émission de cette semaine pour retrouver une petite photo de l'appareil. Avis aux vieilles dames célibataires qui aiment les chats, c'est pour vous. Ou encore, mettez-le vous-même. Tu fais des amis ben avec les chats du quartier. Hey, c'est Georges dans la banque de face. C'est difficile d'avoir la paix, on sait. On sait. Dans une situation comme ça, comme genre avoir la paix, à un moment donné, tu as des gens autour de toi, tu veux avoir la paix. Comme par exemple, il y a un téléphone qui sonne tout le temps. Il y a un gadget qui sonne tout le temps. Bon, donc un petit tableau dans ce cas-ci. Un tableau qui représente une paisible scène qui camoufle à l'intérieur un brouilleur d'ondes cellulaires, selon un article de Branchez-vous Gadget. D'une portée d'environ 80 mètres, ce qui pourrait vous rendre drôlement impopulaire auprès de vos voisins si vous vivez dans un bloc de plusieurs appartements. Ces gadgets sont certifiés efficaces contre la plupart des types de réseaux, y compris les réseaux 3G. Donc, évidemment, traîner ce tableau-là pourrait être plutôt compliqué, mais à la maison, ça pourrait empêcher les gens d'avoir des gadgets qui sonnent tout le temps. C'est comme l'anti-gadget, tu vois, genre. Ouais. Ouais. Est-ce que ça va servir à quelque chose pour quelqu'un? Je sais pas. Je penserais pas. Tu peux juste leur demander de fermer leur appareil. Ça. T'as le droit, c'est chez vous. Là. Tu peux leur dire de pas fumer. Tu peux leur dire enlève tes souliers. Tu peux leur dire ferme ton cellulaire. C'est ça. Même les gens les plus geeks qui se servent de Gmail ne se servent pas de la majorité des raccourcis clavier qu'on a dans Gmail. Il y en a vraiment plusieurs. Tu sais, Gmail, c'est comme l'alternative à Hotmail. C'est un service de courriel en ligne, gmail.com. J'ai jamais utilisé Gmail. J'ai jamais utilisé le Gmail, mais... Tu devrais pas. Ouais, ça a l'air d'être sensiblement semblable. C'est ça. Semblable, mais autrement. Donc, celui-là, c'est un clavier USB, c'est le Gboard. C'est un clavier USB de 19 touches associé aux principales fonctions du service de courriel de Google. Donc, tu peux appuyer sur une touche pour envoyer un message dans tes pourriels. Tu peux appuyer sur un bouton pour archiver ton message, un bouton pour répondre ou répondre à tous les gens qui ont participé à la conversation. Ça n'a aucun sens. À la place d'apprendre le raccourci clavier direct. Hein. Ils peuvent pas utiliser leur souris. Aussi. Comme les gens normaux. Aussi. Ils pourraient aussi mettre leurs 20$ sur autre chose, n'importe quoi d'autre, genre des bonbons. Ce serait déjà plus utile, ça. Ah, c'est sûr que ça serait utile. Ou pour des Big Mac. Ah, oh! Encore mieux que les bonbons. C'est dans tes trois inventions. C'est quoi les deux autres, non? C'est le Pepsi Diet, le Big Mac et le iPod. Yes. Hey, Pepsi. Moi, à chaque fois que je passe chez Magasin Grande Surface, insérer le nom ici, je m'achète un Pepsi Diet avec lime. Cœur, j'adore ça. Et que c'est bon. Moi, je suis très Pepsi Diet ordinaire. Ou mais moi, Aline pas du Coke Zero, là. Yark. Ah, c'est un de mes préférés. C'est pas mal celui-là que je bois. Yark! Ouais, vraiment très, très bon. Bref, retour au petit clavier USB. C'est un gadget à utilité passablement restreinte, dit l'article. Mais si vous et vos collègues de travail êtes impliqués dans une implacable lutte pour le poste de mâle geek alpha de votre département, le Gboard pourrait vous donner un petit coup de pouce. Hein, quel beau texte poétique de branchez-vous gadget. Alors ça, c'est vraiment génial. C'est une de mes idées préférées de la semaine. Tu sais que les appareils comme les téléphones intelligents sont de plus en plus, ont de plus en plus d'options, si on veut. C'est de plus en plus difficile d'apprendre toutes les options qu'il y a dedans. Ça devient compliqué. Là, il faut demander à quelqu'un d'autre de l'expliquer si t'es moins technologiquement avancé. Donc, ça s'appelle le Out of the Box Concept. Donc, c'est un concept qui n'est pas encore disponible en vente. C'est écrit par Clara Gagero, mettons, en collaboration avec Adrian Westaway et Jahako Tuomivara. D'accord? Donc, le téléphone vient lui-même dans un livre avec un trou. Okay? Donc, le livre a un trou de la forme du téléphone. Le téléphone est intégré dedans. Et là, c'est un livre d'instructions. Tu me suis là-dedans? Tu tournes la page et le téléphone est devant toi. Oh, oui, c'est comme les livres pour enfants qui est comme un gros soleil dans le milieu. Oui. Là, où, je n'avais un quand j'étais jeune. Je l'ai retrouvé avec mes sœurs la semaine passée. Un livre là, à peu près 6 pouces de longueur. Un demi-sous-marin. Il y avait comme une chenille dans le milieu. Non. Puis là, ben, quand tu tournais les pages, ben, c'était comme des pommes. Puis là, ben, tu voyais la chenille qui mangeait des pommes. Aïe, la aïe. Chenille était comme en toutou, là. Okay. Tu peux rentrer ton doigt. Dans le trou! Et c'était doux. Oui. Et chaud. C'était tellement plaisant. Oui. Pour toi et la chenille. C'est ça. Ouais. Donc, le concept out of the box, littéralement, le téléphone est dedans. Et là, tu tournes la page et puis... page et puis soudainement tu peux aller sur ton téléphone et faire les mêmes activités qu'on te propose dans le livre pour apprendre. C'est génial, j'adore l'idée. Remplir l'instruction, remplir différentes fonctions et des flèches en plus, des flèches qui pointent vers les boutons sur ton écran pendant que t'es en train de le faire toi. C'est vraiment écœurant. Ça, c'est une bonne idée, par exemple. Ouais, vraiment. Voilà, c'est pas aussi écologique qu'un manuel PDF par exemple. Ouais, c'est ça. Ça gaspille du papier, mais en même temps ça gaspille moins de papier parce que c'est un trou dedans. Hein quand même. Et ce papier là il va aller où? Pour faire des post-it peut-être. Je sais pas. Bref, très bon concept. Un autre concept que j'adore pour un appareil téléphone intelligent, pour le iPod Touch ou le iPhone, n'importe quoi. Malheureusement, ça vient pas avec une deuxième batterie pour augmenter ta durée de pile. Ça vient pas avec un chargeur solaire. Non, c'est juste un morceau de caoutchouc. Donc, c'est pas un gadget. C'est le Seat Body qui fonctionne très, très bien. Je vais vous expliquer ce que c'est. Hein. C'est que tu as des bandes qui te permettent de le mettre, par exemple, sur, disons, un siège de voiture, t'sais, sur le chose pour la tête, là, pour l'accrocher, pour qu'il tienne après. Et puis là, tu peux, par exemple, regarder un film ou une émission de télé. Donc, ça tient après le siège. C'est disponible pour 24$ par petit truc avec le shipping. Mais plutôt, on achète moins c'est cher. Le Seat Body, qui est très, très bon pour, par exemple, en voiture ou dans d'autres situations qui pourraient accommoder ça. J'aime ça. Tu connais les Lava Lamp? Oui, dans c'était le hyper temps, populaire dans les débuts 2000. Oui, c'est ça. Ben oui, pour la première fois dans les années... Non, c'était dans les années 60. Ouais, mais moi, je m'en rappelle quand moi, j'étais t'es jeune, ouais. Dans ton temps. Avoir 60 quelqu'un, j'aurais dit « Ah oh, oui, je m'en rappelle. » Bon, arrête de dénigrer les gens. Donc, une lavalette, mais version mise à jour. Un petit facelift pour rendre ça encore plus moderne, dans votre décor moderne, dans votre appartement moderne avec 3-4 divans, ça va être parfait. Donc, c'est sur un poteau. Littéralement, un petit poteau qui tient à terre avec une surface ronde. Là. Et puis là, après ça, il y a un tuyau qui mène vers le haut. C'est fait très, très à la verticale, en cylindre. Et puis, tu as la lavalame dedans, donc avec des trucs de genre gluant. Ouais. Dégueulasse. Ça coûte 67,77 sur Amazon en ce moment. Donc, la lavalame pour ramener ça à la mode. Je trouve ça cool, non? Tous les gamers aimeraient avoir une arcade à la maison, mais c'est cher les arcades. Donc, à la place, vous pouvez aller sur eBay acheter quelque chose qui est, selon moi, très cher aussi. 150$, 149,99 sur eBay. C'est quelqu'un qui a pris un Game Boy, le vieux Game Boy, le noir et blanc, jaune et vert. Ouais. Peut-être plus jaune et vert que noir et blanc, je pense. Il a enlevé certaines parties et remonté le dessous où il y a les boutons pour que tu puisses jouer avec un arcade et un joystick. Donc, ils ont remplacé le D-pad, le directionnel, oh, les flèches, ouais, là, par un petit joystick. Donc, tu peux jouer au Game Boy. Mais ce qui manque, je pense, c'est une lumière parce que le Game Boy, on voyait foutrement rien. Hein? C'est tellement vrai. C'est ça. Donc, bref, petit arcade, mais tu n'as pas le choix du design. Donc, c'est soit Mario, soit Pikachu. On va prendre Mario. C'est ça. Bref, c'est sur eBay. Je sais pas si ça a été complètement vendu ou pas. Non, c'est encore disponible. Il y en a 9 de disponibles pour 150$. 156,72 canadiens plus 25$ de shipping internationalement. Et pas tellement vendu à date, hein? Pas tellement. Pas tellement. bref. Prochain gadget, c'est... en fait, c'est pas un gadget, on le rappelle. C'est pas une chronique gadget. On n'est pas à CNX, Mathieu. Exactement. C'est le designer Mark Graelis. Ballet, vrai? Hein? Mettons un accent espagnol-mexicano-canadiano. C'est une armure anti-vol pour des scooters. Ça s'appelle le Protect 486. Ça a été inspiré par Mère Nature et particulièrement disons l'armure portée par les tatous. Tu sais, les animaux, les tatous. Les armadillos. Oui, oui. En anglais, je sais de quoi tu parles. Je sais. Aussi, comme dans l'original Batman de Tim Burton, celui où, tu sais, quand que Batman, sa Batmobile, il pouvait replier un genre de couvercle par-dessus sa Batmobile, ça peut vous replacer les... Non? Pas vu ça? Avec le Joker? Non? Non. En tout cas, bref, sur sa Batmobile, il y avait comme une espèce d'armure. Ça ressemble à un Slinky, si on veut, mais pas vide, là, genre. Ah, les gars, allez voir sur assemblagerequis.com pour la photo, mais bref, c'est vraiment comme une coquille qui va par-dessus votre scooter pour le protéger des vandales ou de n'importe quoi d'autre, de la pluie peut-être quand il y a, quand vous êtes de... Enfin, qu'il y a de la pluie. Bon. Les WTF jeans maintenant, c'est des jeans, dans le fond, l'été, ok? L'été, on se comprend, t'as moins de poches sur tes vêtements. L'hiver, tu peux mettre ton iPod, mettons, dans ton manteau. C'est ton un de tes gadgets préférés, ton iPod. Oui. Dans ton manteau. Mais j'en ai plus. Bon, je sais, c'est l'effet de voler. Oui. Peut-être que t'aurais dû avoir une armure sur ton scooter. T'as pas de scooter. J'ai pas de scooter. Ça va m'acheter un scooter et l'armure. Et l'iPod. Et l'iPod, oui. Ah, ça va coûter cher. Ces jeans-là ont une poche à l'avant, mais qui est très pratique. Non seulement, tu sais, bon, tout le monde a des poches à un moment donné, là, à part les filles, sur les shorts et les pantalons. Ici, c'est que la poche est rembourrée, faite exprès pour les iPods. Et t'as en plus une petite poche à côté pour mettre une clé USB protégée. Donc, c'est super pratique. Ça coûte 134 $. Il va y avoir le 31 mai, 500 paires. Hein? Donc, 1000 paires ont été déjà produites. Et à partir du 31 mai, la dernière batch de 500 va se vendre pour 134 $. Ça a été créé par Sanja Rastovac. Petite poche protégée sur des jeans, je trouve ça cool. Ou tu pourrais faire ça sur tes propres jeans, j'imagine. Ou t'as juste à t'acheter un couvert à iPod. Tu sais, ça te coûte à peu près 30 $ chez Future Shop. Ouais. Les gens sont pas, ils pensent pas à ça, je pense, avant de créer des... Ouais, mais ils veulent toujours créer autre chose qui n'a pas encore été inventée et qui est complètement inutile. Parlant de ça, tu te demandes quoi porter pour aller dehors. C'est, toi, t'es une fille, premièrement, faudrait dire. Hein? Pour les gens qui n'ont pas... Eh oui, je suis une fille. Et tu regardes peut-être pas nécessairement Météo Média ou quelque chose du genre pour savoir, tu sais, bon. Tu sauras que je regarde Météo Média à tous les jours l'été. Oui. L'hiver, on s'en fout, il fait tout le temps frette, mais l'été, c'est pas pareil pour les filles. Est-ce qu'on se met en jupe ou en pantalon? Moi, je regarde les soirs, dépendant de qui anime, parce que, en tout cas, c'est vrai. Wow! Wow! Moi, je regarde sur Internet à la place. Ouais, mais il n'y a pas la fille qui anime, par exemple. Je m'en fous de la fille qui anime, moi. Celui-là, ce gadget-là, c'est un petit truc que tu mets en haut de tes crochets, OK? Et là, tu mets les crochets aux bons endroits, parce que sur le petit appareil, il y a des mots. Et là, en mettant les crochets devant, c'est branché sur Internet, ce gogosse-là, OK? Branché sur Internet. Et là, l'aiguille, le baromètre, va bouger et va te dire si tu dois, soit, genre, il va y avoir une tempête ou de la pluie, ou encore, tu vas devoir t'amener un rechange où le temps est correct, où il fait très, très sec. Fait que là, tu peux mettre le bon manteau dessous la bonne ligne. Wow! Avant de sortir, c'est écœurant. C'est tellement inutile. Tu mets ton parapluie sur celui qui dit il va pleuvoir. C'est génial. C'est génial, génial, génial. Bon, là, sérieusement, ça commence à être long, ma chronique. Hein? Je vais vous laisser le reste des liens sur Internet. Une horloge, un réveil matin qui vous fait du thé avant votre réveil. Mm-hmm. Un casque qui commence à puer s'il y a eu une craque dedans. Donc, des fois, quand tu fais du vélo, tu sais pas, tu fais un petit accident de rien du tout, t'es pas blessé, mais tu sais pas si ton casque est encore en bon état pour continuer de... Là, ouais. Tu vas t'en acheter un nouveau, mais tu sais pas s'il était plus bon l'autre avant. Celui-là, il se met à puer s'il est trop brisé. Un nouveau système de robinet où t'as juste à passer la main à côté pour avoir la bonne température que tu veux. Un truc pour utiliser votre iPad dans le bain. Oui, dans le bain. Et une carte d'affaires qui ressemble à une carte dans un ordinateur. Et en plus, c'est une clé USB, donc tu peux mettre ton CV dessus puis t'as l'air super geek. Les liens sont sur assemblagerequis.com et tout ça, ça existe, mais ça devrait pas nécessairement. Ben, on l'a. On l'a. On l'a. Fais ton affaire, ça. Ah oui. La ligne entre CNX et ça, c'était encore flou, hein? C'est pas grave. De l'assemblage requis, l'émission estivale en pièces détachées. On va retourner en musique à entendre une jolie petite pièce. On va entendre la pièce Pop Culture. Oh, ben flashback, toi, hein? Flashback. C'est la première pièce. Il y a une petite anecdote qui vient avec. Ouais, wow, bonus, toi. Ouais, bonus. C'est la première pièce que j'ai entendue quand je suis arrivée à C'est fou. Oh, wow. Oui, quand je suis venue faire ma formation ici, je suis rentrée et c'est cette pièce-là qui jouait. Alors, on va écouter Creature avec Pop Culture. Et c'était aussi la dernière pièce que t'entends parce que sac ton camp d'ici. Je t'aime plus, Mathieu. Non, il faut fermer la boucle des fois. Je te renie. Merci. Tout le monde renie Mathieu, vous aussi. Ouais. Toujours Assemblage Ricky avec Mathieu et Stéphanie. On vient d'entendre Pop Culture de Creature et c'est la fin de la deuxième heure. Oui, il y en a une troisième qui s'en vient juste après la pause. On va voir entre autres Fido avant la question et une chronique technologique CNX, mais aussi mon plat favori. Ton plat favori. Ça va être quoi encore, tu penses? Ça va. Non, je t'avais pas dit encore. Je pensais quand tu l'as demandé plusieurs fois, tu allais te tromper puis me le dire, ça. Mais... Non. Non, ça arrivera pas. Ben restez là, le mystère sera résolu par une équipe de recherche de chercheurs. Sûrement qu'il y a une trace de sperme quelque part, comme dans CSI, peut-être, non? Je penserais pas. Non, hein? chant de plaisir. 89. C'est moi qui chante là-bas, c'est ça? Non. C'est pas vrai. Bon, retour sur la troisième et dernière heure d'Assemblage requis, émission estivale en pièces détachées en compagnie de Stéphanie Gagné. Et de Mathieu Plante. Et de vous. Bien sûr, nous reprenons nos petits requins. Nos petits requins sont tout cute. Blablabla. Ça suffit, Mathieu. Ouais, merci. Dans cette troisième heure, il va y avoir une chronique technologique CNX. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, de quoi qu'on va parler, tu penses, Stéphanie? Sais-tu? J'en ai aucune idée. De choses croches et ou illégales dans le bloc cybercrime. Oh! Ça va être intéressant. Oui, ça va être intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est aller retourner en musique aussi. Oui, avec un CD que je me suis acheté cette semaine, Florence and the Machine. L'album Lungs, c'est un excellent album si vous aimez Kate Nash, Lily Allen, Tegan and Sarah, etc. Ben, j'aime tout ça. Fait qu'allons entendre la pièce Dog Days Are Over, pourquoi pas? Exactement. OK. Vous êtes assez fous. 89,1 FM, bien sûr, pas AM. Ça sonnerait vraiment mal en AM. Est-ce qu'on peut parler par-dessus toute la pièce pendant qu'elle chante? Ou c'est un énorme manque de respect? On va arrêter ça.

because I loved you, and that's enough, you see. So come preach about morality, that's just human sense to me. Love is tough, time is rough. C'est beau, hein? Ouais. Ah, c'est vraiment, là, écœurant. Mm-hmm. Vraiment. Je l'avais dit. Il va falloir que tu aies écouté d'autres chansons que celle-là. Ben, il faudrait, oui. La reprise de Fleet Foxes, là, épouvantable tellement c'est bon. Mais comment ça fait que t'aimes pas Fleet Foxes? Ça me surprend un peu de ton... Il me semble que c'est ton genre, non? Ouais, je sais pas. C'est peut-être les... Les cheveux longs. peut-être. Non, mais mes goûts changent vraiment, vraiment rapidement. Fait que peut-être que si j'écouterais l'album là... Peut-être que j'aimerais ça. On l'a dit souvent, c'est une fille à fleur de peau. Ouais. Flower of the skin. Skin. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ça, c'était ton coup de cœur, First Aid Kit, avec, entre autres, la pièce Hard Believer. Rappelle le nom de l'album le plus récent qu'on peut pas se procurer en magasin. The Big Black and the Blue. Voilà. Le mien, mon coup de cœur, c'est simplement un sujet que vous avez peut-être entendu, mais je vous le répète parce que moi, ça me fait plaisir d'en parler. Le premier festival de la web télé vient de pris fin récemment à La Rochelle, en France. Plusieurs productions québécoises se sont démarquées parmi les 140 films exclusivement dédiés au web qui avaient été mis en nomination. L'article vient de Branchez-vous, Techno. Deux types de prix étaient remis, celui du jury et celui du public. Plus de 8000 internautes ont voté en faveur de leur émission web préférée. Le journal Techno, une émission qui est diffusée à V à la télé, une émission québécoise sur les nouvelles technologies réalisée et produite par Jean-Michel Vallas, a reçu les honneurs du public dans la catégorie web actualité. Là, les têtes à claque ont gagné une série de courtes émissions humoristiques dans la catégorie web animation. La série que j'adore, Le Couple.tv. C'est génial. Ça met en scène un couple de 5 ans, j'imagine que ça veut dire, qui sont ensemble depuis 5 ans, habitant la province et se demandant s'ils souhaitent avoir des enfants. Ça a reçu le prix du jury et du grand public, du grand prix du public dans la catégorie web fiction. Les chroniques d'une mère indigne dans la catégorie web humour ont aussi reçu les honneurs du jury et des internautes. Le tapis rose de Catherine a été distingué par le vote du public dans la catégorie web magazine et on dit que le président de cette première édition du festival de la web TV, Jean Cressant, prévoit déjà une seconde édition et plutôt que de se dérouler en mai, elle aura lieu en mars l'année prochaine. Le président indique par ailleurs que les films dits interactifs seront mis de l'avant à l'édition de 2011. Allez voir le site officiel du Festival de la Web TV sur webtv-festival.tv. Je suis vraiment très, très content pour les séries québécoises qui se sont démarquées là-bas, surtout le couple.tv et le Journal Techno. En audition avec Simon, c'est où ça? Oui, exactement. Lui, il est nominé pour quelque chose à Cannes. Pour vrai? Genre. Moi, j'ai adoré. C'est très, très, très, très excellent. Je pense que c'est par ton Facebook que j'ai découvert ça aussi. C'est tellement bon. Tu vois, une chance que t'es là, Mathieu. Est-ce que tu connais Chumé? Non. Côté humour, là, c'est vraiment mon préféré de tous les temps. Chumé.tv, T-C-H-U-M-M-E.tv. Allez-y, regardez toutes les capsules l'une à celle de l'autre. Ça prend peut-être en bas d'une heure écouter toutes les capsules. Écoutez-les jusqu'à la fin, toute la gang. Plein de bonheur là-dedans, c'est génial. Le couple aussi, il va falloir que j'aille voir ça. J'ai jamais entendu parler. C'est super bon avec la fille qui joue dans La Nuit et ses hommes, qui est très, très bonne. Vraiment très bonne. Bon, voilà pour mon coup de cœur. Le tien, le mien, rassemblé, c'est comme une barre Twix, biscuit Graham, caramel et chocolat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans une coupe Twix, déjà? Je sais pas. Deux barres. Pourquoi pas un Big Mac? Oui, mais là, comment? Big Mac, là. Parce qu'à un moment donné, Big Mac, là, hein? Tu sais, des mecs croquettes. Avec de la sauce aigre-douce. Ouais. Voilà. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées en compagnie de Stéphanie Gagné et de Mathieu Plante pour encore une 37 minutes. On va entendre un petit peu de Jack's Mannequin, l'album le plus récent que tu adores, c'est ça? Non, tu veux pas faire ça tout de suite? Tu veux faire non, parce que Mathieu n'a pas une bonne mémoire parce qu'on l'a fait jouer tout à l'heure pendant que Maxime était là. On l'a fait jouer. Waouh, ben c'est parce que j'ai pas écouté. Ouais. Fallait que je la réécoute. Ouais, il faudrait que tu la réécoutes. Toi qui voulais savoir si t'allais aimer cet album-là aussi. Je me rappelle que j'avais aimé ça dans le temps, tu sais. Ouais, mais je suis sûre que tu vas aimer cet album-là aussi. Il est pas mal dans le même genre que l'autre d'avant. Tu vois, on aurait dû en parler. On avait-tu parlé, toi? Non, Maxime était là. Fait ben, c'est pour ça que. On parlait de moi qui n'aime pas Crystal Castles. C'est pas important. Radiohead. Radiohead. L'album In Rainbow, celui qui était en téléchargement pour le prix que vous vouliez, etc. Oui, grosse histoire, un peu comme Histoire Valeur fait présentement. Ça n'a pas marché bien pour Radiohead, ça. Pas fait tant d'argent, ça. Non, mais je pense qu'ils s'en foutent. Ouais. Radiohead, c'est tellement pas un groupe qui est à l'argent. Là. We aim for the heart and not the charts, hein, c'est ça? Et voilà. Et voilà. Même mentalité. Quelle pièce qu'on s'en va entendre? Tu voulais qu'on entende... Je m'en rappelle plus le nom de la pièce, mais tu voulais m'en faire écouter une que je n'ai pas écoutée, parce que oui, c'est mon CD... Mais non, je ne l'ai pas écouté. Bon. J'ai trouvé le papier. Il y a beaucoup de papier là-dedans. Hein? C'est ouais. Très ouais, mais c'est parce que si vous achetez le CD de In Rainbows, eh bien, vous voyez qu'on peut fabriquer un album avec. Hein? Ben, ils nous disent de prendre comme un cover comme ça, normal, en une plastique. Une boîte de plastique, quoi. Un jewel case. C'est ça. Puis ils nous fournissent ce qu'il faut mettre là. Le devant, où est-ce que là, les paroles. Oui. Ils nous fournissent ce qu'il faut mettre derrière et ils nous expliquent tout comment mettre ça. Ah ouais, je voudrais pas défaire ce carton-là, c'est tellement cute. C'est pas ça, par exemple, c'est le reste. Ouais. OK, ben oui, je viens de comprendre. OK, c'est bon, c'est fait. Tu vois? Ben oui. Une fois vu comme ça à la radio, en haute définition, c'est très, très bien. On va entendre la pièce Reckoner de Radiohead et puis on se retrouve après avec d'autres choses. Sûrement. Et plus encore. C'est Nick, puis dans la question. Hey! Plein d'autres choses qui s'en viennent. Trop d'affaires en suite. Assemblage requis. Together. êtes toujours à Assemblage Requis. L'émission estivale en pièces détachées avec Mathieu Plante et Stéphanie Gagné. On vient d'entendre 11th Dimension de Julian Casablancas. C'est l'album Phrases for the Young. Phrases for the Young. Ouais, Phrases for the Young. Yo. Ça ressemble pas du tout à The Strokes qu'on a entendu plus tôt dans l'émission. Mm. Mais c'est le chanteur des Strokes. Oui. C'est ça. Exactement. Il ne disait rien du tout. Mais là, il s'en retourne avec The Strokes, là. Ah ouais? Il n'avait pas quitté, là, mais il était parti sur sa carrière solo. Mais là, il prépare un album pour début 2011, The Strokes. Stroke. Mm. Au baseball, strike. Strike. Strike. Dallo. Un coup du tour du chapeau. Je pense que c'est le temps de la chronique, c'est Nix. Ouais. On va tourner la roulette. Oh, sur quel sujet est-ce qu'on va tomber? Cybercrime. C'est un hasard total! Même si on l'a annoncé depuis le début de l'émission. Mais... J'aime tellement tes intros. Merci Stéphanie. On va parler de choses croches, de choses illégales, pas nécessairement seulement de la cybercriminalité, mais entre autres ça, ça englobe pas mal tout ce qui est crime et choses croches. Commençons par torrentfreak.com qui confirme un record de téléchargement illégal pour la finale de la série télévisée Perdue, ou Lost. À la conclusion de cette populaire série télévisée a causé plus d'un million de téléchargements illégaux à travers le monde sur une période de 24 heures, un record depuis la création de torrentfreak.com. En guise de comparaison, le site rappelle qu'en temps normal, un épisode de Lost totalise 1,5 million de téléchargements illégaux en 7 jours, donc 1,5 contre... Combien est-ce qu'on a dit? Ça, c'était en 7 jours, et là, c'est 1 million en une seule journée. TorrentFreak est un site dédié aux actualités qui concernent le protocole de partage de fichiers BitTorrent, celui contre lequel tu es fermement. Avant, je l'utilisais quand j'étais plus jeune, mais là, je me suis rendu compte que c'est beaucoup, beaucoup mieux d'encourager les artistes. Tout à fait, tout à fait. Mais Lost, si tu veux le regarder, il faut que tu attendes que le DVD sorte dans 6 mois. Ou encore, aller le voir sur tout.tv, doublé en français, merdique. Ouais. Et voilà. Ou tu l'enregistres. Vivement les VHS. Voyons, tu vis dans le passé. Après 121 épisodes et 6 saisons, l'œuvre de Carlton Cuse et Damon Lindelof tire donc sa révérence. Selon Nielsen, la firme de sondage télé, un peu comme la BBM, 13,3 millions de téléspectateurs américains étaient devant leur télé pour cette finale diffusée le 23 mai sur ABC. Les Canadiens se sont intéressés en grand nombre aussi à la conclusion sur CTV avec 1,5 million de téléspectateurs. Pour 2009, les séries télévisées les plus souvent téléchargées à partir de BitTorrent sont dans l'ordre Heroes, qui a été retiré des ondes en passant, qui revient pas l'année prochaine. Lost, Prison Break est terminé depuis un bon petit bout. Dexter, House et 24. 24 qui s'est terminé aussi récemment. Une Américaine intente une poursuite contre Google et son service de cartographie Google Maps parce qu'elle aurait été mal conseillée dans son itinéraire de marche. Ouais. En janvier 2009, dans le cadre d'une balade à Park City en Utah, Lauren Rosenberg a consulté Google à partir de son BlackBerry pour savoir quel itinéraire elle devait prendre. Google lui a conseillé d'emprunter la route Deer Valley Drive, une route très passante qui n'est pas équipée de trottoirs. Donc, la femme de Los Angeles s'est fait frapper par une voiture et elle poursuit maintenant Patrick Harwood, l'automobiliste qui l'a heurté, et Google pour plus de 100 000 $. Elle accuse Google de ne pas l'avoir informé du danger qu'elle courait en s'engageant sur cette voie. Par contre, sur son site internet, Google indique bien... Faites attention, cet itinéraire peut ne pas comporter de trottoir ni de voie piétonne. C'est écrit dessus, c'est même marqué que c'est un service bêta. Mais c'était pas affiché dans la version BlackBerry, donc peut-être que Google va devoir réviser son gadget sur BlackBerry juste à cause d'elle. Probablement. Comme McDonald's avec sa température de café. Elle va probablement gagner. Sûrement, mais c'est les États-Unis. Hein. C'est de même ça marche. C'est de même ça marche. Un autre gars, disons, avec des façons de penser un petit peu bizarres. Bon, bref, le Finlandais, un homme finlandais, okay, qui a été vu sans pantalon sur une image du service de la navigation virtuelle Google Street View, donc on reste dans le domaine de Google, a retiré sa plainte pour atteinte à la vie privée. C'est ce qu'a annoncé la police qui a de ce fait abandonné son enquête. Donc, estimant pouvoir être reconnu sur cette image qu'on voit dans l'article sur assemblagerequis.com, c'est une image qui montre un homme sans pantalon assis sur une chaise à bascule dans le jardin d'une maison. Le plaignant avait saisi en février la police de la bourgade de Rahe, à environ 600 km au nord d'Helsinki. L'homme a dit aux enquêteurs ne plus avoir la moindre revendication dans cette affaire. C'est ce qu'a expliqué la police dans un communiqué, ajoutant que l'enquête préliminaire était par conséquent close. Le parquet général a également fait savoir qu'il n'y avait aucune raison pour l'État de poursuivre l'enquête. Bref, il a abandonné son idée saugrenue de poursuivre Google, mais pour l'instant, ça aurait sûrement marché, par exemple, de poursuivre Google pour dire « Hey, là, c'est que je suis en bobette, sans pantalon, disons, sans pantalon. » On peut pas zoomer tant que ça sur du Street View. Quand même, j'ai déjà essayé plusieurs fois qu'on voit vraiment pas les visages des gens. Non, c'est vraiment les visages que tu regardais, ouais. Non, mais je veux dire, quand on passe et qu'il y a des gens dans la rue, oui, on les voit pas. Non. On peut pas les reconnaître. C'est ça. Mais lui, le gars, il s'est reconnu parce que c'était sûrement chez eux, t'sais. Ouais, c'est ça. J'imagine, ouais. Le gouvernement conservateur canadien, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'était une grosse nouvelle quand même, a présenté mercredi de cette semaine, c'est bien de cette semaine, oui, un projet de loi punissant d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 5 000 $ une personne qui copie illégalement un DVD contenant un film, un jeu vidéo ou un logiciel. Il s'agit d'offrir aux créateurs canadiens une meilleure protection de leurs droits d'auteur concernant des œuvres actuellement échangées ou copiées librement sur Internet. C'est ce qu'ont expliqué les ministres de l'Industrie Tony Clement et du Patrimoine James Moore lors d'une conférence de presse. L'objectif de la nouvelle loi sur la propriété intellectuelle est de protéger les emplois dans les entreprises canadiennes, c'est ce qu'ils ont déclaré. Le texte a pour but de donner des moyens légaux de punir ceux qui font sauter les verrous numériques, les DRM, Digital Rights Management, utilisés pour empêcher de copier toutes sortes de contenus. L'enregistrement d'œuvres sur un appareil tel que l'ordinateur personnel ou le téléphone mobile pour un usage personnel est autorisé par le projet de loi si le consommateur ne fait pas sauter le verrou numérique. Donc, si le matériel peut être copié sans avoir à manigancer rien, juste le copier, ça fonctionne. S'il y a un DRM dessus, donc un truc qui t'empêche de le copier et que là, tu vas chercher un logiciel pour défaire ce cadenas-là, cadenas virtuel, pour pouvoir le copier, là, c'est illégal. Tu comprends-tu, principe? Absolument. Un CD que tu peux ripper normalement, ça fonctionne, mais si tu... C'est ça. Donc, il sera encore possible de transférer de la musique d'un CD sur un baladeur numérique sur la plupart des CD, mais ça va être interdit de copier d'autres affaires comme des films ou des jeux vidéo parce que la plupart sont bloqués. Bon. Enfin, une dérogation est prévue pour les enseignants. Fait important qu'ils veulent utiliser telle ou telle œuvre à des fins pédagogiques dans le cadre d'un cours, par exemple, à condition toutefois que cela ne lèse pas les titulaires des droits d'auteur. Ainsi, la distribution d'une copie numérisée aux élèves doit s'accompagner de l'indemnisation des auteurs. Donc, tu as le droit de défaire le verrou, si je comprends bien. Tu as bien le droit de défaire le verrou pour le montrer devant une classe, mais tu n'as pas le droit de défaire le verrou et de copier ça et de le donner en copie à tes étudiants. Bon. Le 20 mai dernier, un comité du Congrès américain a souligné que le piratage sur Internet de films, de musique et de jeux vidéo avait atteint un niveau alarmant au Canada. Voilà. Super. 5 jours après le lancement du iPad, une première contrefaçon de la tablette tactile d'Apple, baptisée le iPad. L'appareil est déjà disponible en Chine à petit prix alors que le groupe américain a déjà écoulé 2 millions d'exemplaires de son appareil. Les images du iPad filmées par une télé japonaise et sont disponibles sur YouTube montrent le gadget vendu dans un magasin informatique de Shenzhen dans un emballage qui ressemble étrangement à celui du iPad. La tablette tourne sur le système Android développé par Google, donc très très bonne nouvelle, et serait équipée d'un processeur Intel. Le prix n'est que de 105 $ alors que l'iPad vaut 549 $ au Canada. Le site spécialisé en nouvelles technologies, Techie, un test du iPad estime que l'iPad est une contrefaçon équipée d'Intel et d'Android qui se présente comme un produit Apple et qui n'est pas si mauvaise que ça. Ah, c'est étrange, par exemple, parce que la plupart des gadgets qui sont copiés par les Chinois ou les Asiatiques, peu importe où, sont souvent des très très pâles copies et qui fonctionnent à peine assez pour faire ce que tu veux avec. La semaine dernière, Apple et son fournisseur taïwanais de composants électroniques Foxconn n'ont pas voulu confirmer ou infirmer des rumeurs selon lesquelles le iPad était fabriqué dans la très grande usine de Shenzhen où vient de se produire une série de suicides d'ouvriers. Là, ça n'a rien à voir avec la nouvelle du tout, mais c'est dans l'article, donc je le lis, parce que je suis un robot. non, mais sans blague, Apple a dit aujourd'hui même, si je me rappelle bien, on est jeudi, aujourd'hui, qu'ils allaient augmenter les salaires de 30% des gens qui travaillent dans l'usine de Foxconn parce qu'il y a eu beaucoup de suicides. De 30%? 30%. 30%? Mais ils font vraiment pas beaucoup d'argent, donc 30%, c'est... Ouais. C'est 30% de pas grand-chose. Ouais, mais c'est quand même 30%. Ouais, mais c'est ça. Mais pour la plupart des gens là-bas, le salaire qu'ils avaient déjà était quand même relativement potable pour la région où ouais, ils sont. Pour eux. C'est ça. Mais en augmentant de 30%, ils espèrent que ça va ralentir les suicides. Voilà. Pas les éliminer, non. On espère non. Juste les ralentir. C'est ça. Et ils offrent leurs condoléances aux familles affectées. Ah, oh, une chance. Voilà. Un cambriolage virtuel pourrait avoir des conséquences bien réelles en Finlande, où la police a annoncé qu'elle enquêtait sur le vol de meubles dans un jeu proposé sur un site de socialisation apprécié des adolescents. On dit pas si c'est Facebook ou un autre, là. Et je cite, un nombre important de biens virtuels ont été dérobés à environ 400 utilisateurs de l'hôtel virtuel Habbo, où les internautes peuvent se créer un personnage et passer du temps avec des amis, s'occuper d'animaux virtuels ou, en versant une somme d'argent bien réelle au site, meubler leur chambre. Fin de la citation. Les cybercambrioleurs ont réussi à insérer dans le jeu de fausses pages web pour obtenir noms et mots de passe qu'ils ont ensuite utilisés pour entrer dans les profils des joueurs de l'hôtel virtuel et détourner leurs biens. C'est ce qu'a expliqué la police. Le but des cybercambrioleurs n'a pas été précisé, mais il semble que ce soit plus une volonté de sabotage que de gain pécunier, car a priori, le jeu ne prévoit pas de possibilité de vente entre joueurs. Les enquêteurs ont déjà perquisitionné des logements dans 5 villes de Finlande, saisi des ordinateurs et interrogé plusieurs personnes. Les dommages subis par les joueurs lésés ne sont pas encore évalués, mais ils pourraient bien être significatifs pour un certain nombre d'entre eux. L'article vient de l'agence France Presse. Je vais devoir choisir parmi les derniers articles. Tiens, je vais te laisser choisir, même si tu connais rien à ça, mais je le faisais avec Kiwan. Je vais te faire avec toi parce que t'es comme la remplaçante de Kiwan. C'est ça que tu dis, hein? Ouais. C'est pas vrai, mais en tout cas. Inculpé pour fraude informatique de 100 millions de dollars, une fraude qui aurait fait 625 victimes au pays, ou encore Facebook, ne cliquez pas sur le message de l'homme photogénique. 3. Un message indésirable est en train de se répandre comme une traînée de poudre sur Facebook, selon la compagnie de sécurité informatique Sophos. Par manque de méfiance, des centaines de milliers de membres du réseau ont déjà été infectés après avoir cliqué sur les liens joints à un pourriel. Et je cite, « Cet homme prend une photo de lui tous les jours depuis 8 ans. » Est-ce que tu l'as déjà reçu? Oui, j'ai vu plein de monde sur mon Facebook qui participait à ça, là. Ils participent pas nécessairement avec leur volonté. Ouais. C'est le pourriel susceptible d'infecter les membres de Facebook dont on parle ici. Ce message suggère aux internautes de cliquer sur une série de liens pour en connaître davantage sur l'homme. Or, le fait de cliquer sur les liens fait en sorte que le message indésirable s'affiche sur le profil du membre et qu'il sera recommandé à tous ses contacts. C'est ce qui s'est passé. Il s'agit d'une méthode très simple tirant profit de la curiosité des membres de Facebook, dit l'article, pour propager rapidement le pourriel dans l'un des plus vastes bassins d'internautes au monde. Vers la fin de novembre 2009 même, AVG avait mis les internautes en garde contre une autre campagne de pourriels sexy affectant les membres de Facebook. Il s'agissait d'un verre aux allures séduisantes qui redirigeait les membres vers un site porno après qu'ils aient cliqué sur le lien. La même méthode de diffusion avait été utilisée. Si le membre clique sur la série de liens, le pourriel s'affiche sur le profil dans le but d'infecter les contacts. Voilà. C'est tout pour Cybercrime. Maintenant, ma nouvelle préférée de la semaine. Si t'en as pas entendu parler, je te renseigne. George W. Bush est sur Facebook. Est-ce que tu savais? Arc, non. Eh oui. Les adeptes du site de socialisation Facebook peuvent depuis quelques jours à peine compter sur un nouvel ami potentiel en la personne de l'ex-président américain, George W. Bush. L'ancien chef d'État avait déjà plus de 10 000 fans quelques heures seulement après avoir mis en ligne son profil sur facebook.com/George W. Bush. Le premier message saluait ses actions depuis qu'il a quitté le pouvoir en janvier 2009. Je vais même sauter par-dessus le paragraphe. Les messages publiés sur la page du 43e président sont dans l'ensemble positifs à l'image de celui de Sandy Hawley qui dit, et je cite, « Oh ça alors, qu'est-ce que je suis content de vous voir, vous nous manquez. » Wow. Malgré tout, certaines petites piques se glissent sur la page, comme celle de l'internaute Brent Bender qui écrit « Vous étiez un président incroyablement incompétent. » L'épouse du président, Laura Bush, a elle aussi sa page sur le site Facebook. Elle a pour l'heure plus de fans que son mari. 16 500 adeptes. C'est selon un article de l'agence France Presse. Et puis, presque pour terminer. Je suis vraiment rendu presque de la fin. Ne t'en fais pas, Stéphanie, j'ai presque fini. Le groupe Internet américain Google engage ses employés à cesser progressivement d'utiliser Windows, selon le Financial Times, c'est vrai. Google supprime peu à peu l'usage de Windows, le système d'exploitation omniprésent de Microsoft. C'est ce qu'a écrit le quotidien britannique sur son site Internet. Citant plusieurs employés de Google, le journal écrit que la décision de passer à d'autres systèmes d'exploitation, on parle du journal ici, dont on parlait, le journal britannique, quotidien. La décision de passer à d'autres systèmes d'exploitation a vu le jour véritablement en janvier, après une attaque informatique contre les opérations de Google en Chine. Ça pourrait se traduire dans les faits par la fin de l'utilisation de Windows chez Google, qui emploie plus de 10 000 personnes dans le monde entier. Selon le journal, les nouvelles recrues se voient maintenant proposer de faire tourner leurs ordinateurs sous macOS, celui d'Apple, ou encore le logiciel d'exploitation libre Linux. Le journal cite un employé indiquant que la nouvelle politique profite surtout à Apple, évidemment. Cette entreprise est devenue la semaine passée la troisième plus grosse valeur en bourse au monde, passant devant Microsoft. Wow! J'aime bien cette nouvelle appareil. Ça cool. Plus de virus, moins de merde. C'est ça. Et puis, pour terminer, là, c'est vrai, deux petits liens. iPad Québec sur Facebook, une nouvelle page Facebook que vous pouvez liker, aimer. Si vous êtes un fan du iPad, iPad Québec, je sais pas combien il y a de gens qui ont acheté l'iPad au Québec. Là. J'estime au moins quelques dizaines, certainement. Certainement. C'est sur Facebook, tapez iPad Québec. Et puis, selon Mashable.com, le top 10 des meilleures vidéos en stop motion sur YouTube. Donc, il y en a vraiment plein, dont un clip que vous avez entendu, la chanson que vous avez entendu assez fou, le clip de Monogrenade ce soir, qui était fait en stop motion, image sur image, caméra, image, image, bon. Il y en a 9 autres sur la page que j'ai laissée en lien sur assemblagerequis.com. Voilà pour CNX. Beaucoup trop long, comme toujours. Vous êtes Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Retour à ta voix, Stéphanie, je t'en ai de la mienne. Bonjour Mathieu. Hey! Tu vas bien? Oui, toi? Oui. Cool. Alors, il serait temps qu'on écoute Bidon Ladon la question. Oui! Ben oui, une chronique humoristique, parce que sinon, on va manquer de temps, tu sais. Hein? Ouais. Même ça se passe dans le temps des fêtes. Hein? Temps des fêtes, non? Pas très approprié comme blague, hein? Non. Non? Pas grave. Tiens. Bidon Ladon la question! Nous s'en vont vers un bloc qui aurait dedans deux sketchs que j'aime beaucoup de Bidon Ladon la question. Ah, oui. Tu nous as mis des sketchs de Bidon Ladon dans cette émission de best-of. Ben certainement, ça me fait plaisir en plus. Mais là, c'est ça, compte-moi ça, je t'ai dit, c'est lesquels? C'est les deux sketchs qu'on a fait, ça fait longtemps, c'était à notre première émission qu'on a fait à CISM en automne 2006, fait que ça fait comme 3 ans de ça. Ouais, quand même, c'est pas si pire. Puis on a fait une émission sur l'ésotérisme. Ouais. Et dans cette émission sur l'ésotérisme, on a fait des infopubs de produits ésotériques. Alors, c'est ça, c'est deux publicités très ésotériques qui font du placement de produits ésotériques. Ouais, ça marche, en plus, j'aurais le goût de l'acheter après, moi, là, écoute. L'adolescence. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mutiles? Est-ce que c'est parce que tu t'aimes pas? Ben non, mom. Capote pas, gars. Je fais juste me graver des nouvelles lignes de la main. Check combien long m'a vive. Depuis que sont commercialisées les nouvelles lames de rasoir ésotériques, c'est un jeu d'enfant que de se graver une nouvelle destinée au creux de la main. Tu pourrais me graver une ligne pour que ton père revienne. Les lames de rasoir ésotériques. Prenez en main votre destin. L'adolescence. Dis-nous-le donc, t'as commencé à prendre la drogue. Oh, ta gueule. Une période difficile. Depuis quand t'écris des poèmes sur le suicide? C'est pas de tes affaires. On se sent impuissant. Mon tout au bulletin. Oh, va au chier, con! J'en peux plus! Ce drame n'aurait jamais eu lieu si cette famille consommait de la poudre de chenol de castor, un produit naturel reconnu pour ses vertus apaisantes. Ça fait que lors de votre prochain voyage astral, passez faire un petit tour à la pharmacie. Je t'aime, mom. Moi aussi, mon grand. La poudre de chenol de castor. Frottez-vous-en sur le corps. Frottez-vous-en sur le corps. La réplique du siècle, mesdames et messieurs. Des beaux souvenirs de Bidon Ladon la question. Mais c'est pas si vieux que ça, 2006, la chose, là. Pour moi, c'est vieux. Pauvre petit gars. Ah, ma tante, elle a de l'expérience, là. Si c'est quoi, vieillir en beauté? Ah! Regarde. Okay. Okay, attends, parlant de vieillir en beauté, oui. J'ai été stalker le Facebook de ta mère. Ah oui, de Christiane. Elle a fait une Diane Dufresne d'elle-même, c'est une de tes photos. Oui, ah, pour oui. ceux qui veulent voir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, comme du body painting, c'est sain, là. Ah oui, ça se peut. Oui. Charlie Bois, j'étais là, puis je regardais, puis je disais, oh, t'as une minute, là, c'est la mère à ma tante Frank, là. Change de photo. Ben non, il y en avait d'autres. Ouais, mais t'étais sur le Facebook de Kathleen Martin. Non, c'était son Facebook, là, Christiane. Ah, ben c'est moi qui l'ai tagué, c'est pour ça. Ah, oh, ouais. Mais oui, elle l'a fait, mais elle était dans les photos de ma cousine, okay. Kathleen, qui fait du body painting. Puis c'est moi qui ai été le tagué. Pour que tout le monde sache que c'est ta mère. Oui, c'est ça. Puis là, ben, ma vraie mère, là, tu sais, écoutez, il y a une autre mère qui vient au Café K.O., qui est ma deuxième mère, tu sais, finalement. Qui n'est pas ta mère biologique, celle-là. Elle m'a adapté après, parce que ma vraie mère me trouvait trop fucké. Fait qu'on parle que ta vraie mère, c'est elle qui s'est fait du body painting. C'est ça, par Kathleen Martin, qui est ma cousine. Puis c'est une famille de. De weird, là. Ben oui, un hymne national de fou, toi. Ouais, mais ça, c'est du côté des plumes. Mais là, pire que ça, parce que ma mère, c'est une foster, OK? Oui. Il n'y en a pas un maudit dans cette famille-là qui parle anglais. Là, déjà, à base, ça va pas bien, là, tu sais. Bidon Ladon la question. question. Une capsule de vidéo dans la question. Je vais vous remettre en contexte un petit peu. C'était dans le cadre du best-of du championnat de Jam Débile de ma tante Frac du 22 septembre au 20 octobre, animé par ma tante Frac et Mathieu Saint-Onge de vidéo dans la question. Si vous voulez aller entendre l'émission au complet, le lien est sur assemblagerequis.com. Toutes les meilleures affaires, les meilleures performances des invités de ma tante Frac, finalement. Bref, il y aura d'autres de ces capsules du championnat de Jam Débile dans les prochaines éditions de l'Assemblage Requis. C'est-tu clair? C'est assez clair, je crois. Vous allez voir que dans les prochaines capsules, ce sera pas aussi clair. Parce qu'il va faire référence à d'autres émissions d'avant qui étaient dans l'autre best-of. En tout cas, bref. Nous, ben, on doit se quitter pas mal ici. Hein. C'est pas mal la fin d'Assemblage Requis par le fait même. Donc, on se dit au revoir. Puis on se retrouve jeudi prochain à 15h avec une autre toute nouvelle émission. On est en rediffusion les samedis après-midi à 16h. En passant... Juste comme ça, juste pour vous dire. Ce qui va nous suivre le jeudi, c'est la spirale avec Mathieu Leblanc-Houl. Le samedi, c'est à partir de 21h et c'est le vestibule avec Jean-François Fecteau. Je donne aussi les palmarès, c'est fou. Allez voir sur ce.ca pour toutes les heures de diffusion. Stéphanie, t'es fine. Oui, merci. Et t'es à fleur de peau. Flower of the skin. C'est ça. Avec quoi est-ce qu'on se quitte? On va se quitter avec une nouvelle chanson de We Are Scientists. Leur album sort dans une ou deux semaines. Je crois que c'est la semaine prochaine. Alors, leur nouvel album va s'intituler Barbara. Et la nouvelle pièce, c'est Rules Don't Stop. Barbara. Non. Non, c'est pas ça? Alors, bonne semaine, Mathieu. Bye. Bye. Bye.